Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 133, de la pusillanimité. La pusillanimité est un péché, à quelle vertu elle est opposée? 1. La pusillanimité est-elle un péché? La pusillanimité, d'après ces paroles de l'apôtre, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne deviennent pusillanimes, Colossiens 3:21, doit être banni, donc elle est un péché. Celui-là est coupable qui contrarie les inclinations de la nature et en viole les lois. Or tous les êtres animés et inanimés ont une inclination naturelle à agir selon la mesure de leurs facultés. C'est pourquoi, si le présomptueux, en dépassant la mesure de ses forces dans ce qu'il entreprend, commet un péché, le pusillanime en commet également un, en refusant de développer ses facultés et en ne voulant pas entreprendre les œuvres dont il est capable. Le serviteur qui, par pusillanimité, cachait dans la terre l'argent qu'on lui avait donné, fut justement puni par son maître. Luc 19. Note. Le pusillanime sera puni pour avoir refusé d'être utile au prochain selon ses forces. Est-il exempt d'orgueil? Non, c'est par un trop grand attachement à son sentiment propre qu'il se croit incapable de ce qu'il pourrait faire. Le paresseux, dit l'Écriture, se croit plus sage que cet homme qui parle avec sagesse. Proverbe 26, 16. Si plusieurs saints, comme Moïse et Jérémie, considérant leur faiblesse naturelle, refusèrent l'office auquel ils étaient appelés par la grâce, ils ne furent pas du moins opiniâtres dans leur refus, de peur de tomber dans l'orgueil. Fin de la note. 2. La pusillanimité est-elle opposée à la magnanimité? La pusillanimité peut être envisagée en elle-même, dans sa cause et dans ses effets. En elle-même, elle est opposée à la magnanimité, comme la petitesse est opposée à la grandeur d'âme, les mots l'indiquent. Le magnanime tend, par sa grandeur même, à tout ce qui est élevé, tandis que le pusillanime s'en retire par petitesse. Envisagée dans sa cause, elle vient de l'intelligence qui méconnaît sa valeur, et de la volonté qui a peur d'échouer en s'avançant au-delà de ses forces. Quant à ses effets, elle consiste à s'éloigner des grands desseins que l'on est capable de réaliser. L'opposition des vices et des vertus se mesurant sur leur nature même, beaucoup plus que sur leur cause ou sur leurs effets, la pusillanimité est directement opposée à la magnanimité. Note. Sous le rapport de sa cause, la pusillanimité provient surtout de la paresse qui empêche un homme d'examiner de quoi il est capable et d'essayer ce qu'il peut faire. Elle est, dans son genre, un péché plus grave que la présomption, elle éloigne davantage les hommes du bien, quoique la présomption soit aussi très funeste par l'orgueil dont elle procède. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.